Et il la connaît de longue date, reprit Servan, qui suivait son idée. Dimanche, ils se sont présentés ensemble, dans une maison où je me trouvais. On a annoncé monsieur le marquis et madame la marquise de Ganges. Et il a raconté, lui, qu'il était arrivé le matin d'un grand voyage. Il s'était entendu à l'avance, car elle ne l'a pas démenti. Donc ils étaient d'accord. C'est évident. Il n'y a qu'une chose que je ne m'explique pas, c'est qu'ils aient pu croire que personne ne s'apercevrait de la substitution. Le vrai marquis n'aurait qu'à reparaître, et il reparaîtra certainement. Il ne restera pas toute sa vie à Monte-Carlo, à moins qu'il ne se soit entendu avec lui. Il y a des maris avec lesquels on peut entrer en accommodement, et il n'a pas trop bonne réputation, ce marquis. On finirait toujours par savoir à Paris qu'il existe. Sa femme risquerait trop en mettant son amant à la place de son mari. Il doit y avoir autre chose. C'est ce que je me dis aussi, mais quoi? Peut-être que le vrai marquis de Ganges est mort récemment, à Monaco. Il est joueur. Il a bien pu se tuer. Peut-être que sa femme le sait, et qu'elle a imaginé de le remplacer, parce qu'elle est bien sûre qu'il ne viendra pas réclamer. « Je n'avais pas pensé à ça, » murmura Brunachon, que cette idée parut frapper. Puis se reprenant. « Mais non, s'il s'était brûlé la cervelle là-bas, les journaux l'auraient annoncé. Il faudrait donc supposer qu'il est mort incognito, et que sa veuve espère qu'on ne saura jamais qu'il est mort. » Le vicomte réfléchissait et ne trouvait pas d'explication satisfaisante. « Au fait, pourquoi pas ?» dit entre ses dents Brunachon. « Je vois, reprit Servan impatienté, que vous ne devinez pas mieux que moi. Quand vous aurez trouvé, vous me le ferez savoir. Mais notre entretien a assez duré, et comme toute peine mérite salaire... » Il allait mettre la main à la poche quand Brunachon lui dit vivement. « Pas encore, monsieur le vicomte. Laissez-moi gagner mon argent. Pouvez-vous disposer d'une heure ?»« Oui, mais pourquoi ?»« Je viens d'avoir une idée, et si je ne me trompe pas, avant une heure, vous serez fixé sur le point principal. » Le reste viendra ensuite, très facilement. Voilà bien des promesses. Que faut-il que je fasse pour arriver à ce résultat? Une course en voiture, avec moi. J'aime mieux, pas avec vous, dit le vicomte, qui ne tenait pas à se montrer dans les rues de Paris en compagnie de cet homme. C'était bien assez d'avoir causé avec lui dans un coin écarté. Bon, je comprends, dit cyniquement Brunachon. Il y a moyen de s'arranger. Je vais monter dans le premier sapin découvert qui va passer, vous monterez dans un autre. Vous direz à votre cocher de suivre le mien, et d'arrêter quand il arrêtera. Chacun descendra de son côté, et là où vous me verrez entrer, vous entrerez derrière moi, sans avoir l'air de me connaître. Vous pourrez même, si vous le préférez, m'attendre à la porte. C'est bien compliqué ce que vous me proposez là, dit le vicomte, qui avait bonne envie d'envoyer au diable ce chercheur de pistes. Mais non, c'est tout simple, au contraire, répondit Bonachon, et monsieur le vicomte ne risquera pas de se compromettre, puisque je ne lui parlerai pas. « C'est-à-dire, je lui parlerai, après, et dans un endroit où personne ne nous remarquera. »« Comment après? Après quoi ?»« Après que j'aurai su ce que je vais savoir. »« Et ce ne sera pas long, une demi-heure de trajet en voiture. »« Et même moins si nous tombons sur de bons cochers. »« 5 minutes de vérification, et je serai fixé. »« Je rejoindrai alors monsieur le vicomte et je lui ferai mon rapport. »« Dans la rue, dans un square où on ne rencontre que des troupiers et des bonnes d'enfants. » « Que de mystère! Vous pouvez bien me dire où vous voulez me conduire. Monsieur le vicomte ne viendrait pas si je le lui disais. »« Alors je refuse. Monsieur le vicomte aurait bien tort. Je lui rendrai compte tout de même, je lui écrirai. Mais nous perdrions du temps, et dans ces sortes d'affaires il ne faut pas traîner. Tandis que si monsieur le vicomte veut bien venir, il saura tout de suite à quoi s'en tenir, sur la véritable situation de cette dame. »« De la marquise de Ganges ? Mais oui, monsieur. » « N'est-ce pas précisément le point sur lequel vous désirez être renseigné avant tout ?»« Sans doute, mais... »« Eh bien, quand vous le serez, vous me direz ce que j'aurai à faire pour vous servir, et je le ferai. » Brunachon parlait déjà comme s'il eût été chargé d'une mission par M. de Servan, qui hésitait encore à l'employer. Il y répugnait même, car il était d'un monde où on ne se commet pas volontiers avec des gens de cette sorte. Mais d'autre part, il désirait tant éclaircir le mystère qui enveloppait la vie de Madame de Ganges qu'il devait finir par se décider à accepter la proposition de l'ignoble Brunachon. Que risquerait-il après tout? Rien que de faire en voiture une course inutile. C'était peu de choses en comparaison du résultat que l'espion lui promettait. « Je me permettrai de faire observer à monsieur le vicomte qu'il est temps de partir, » reprit cet homme. « Si nous différions davantage, nous arriverions trop tard. » Il ne disait toujours pas où il s'agissait d'arriver, et Servan sentait bien qu'il ne le dirait pas. Mais peu importait, au fond. Servon serait toujours libre de ne pas le suivre jusqu'au bout, s'il s'apercevait qu'on le menait là où il ne voulait pas aller. Peut-être même valait-il mieux qu'il l'ignorât, car si ce voyage devait avoir des suites fâcheuses pour quelqu'un, sa responsabilité serait moins engagée. Le hasard, un hasard facile à prévoir, mit fin aux incertitudes du vicomte. En cette saison, à l'heure où on revient du bois, les voitures vides et les cochers cherchent en pratique foisonnent aux Champs-Élysées. Deux Victoria libres passaient en ce moment à la file, marchant au pas vers la place de la Concorde, en rasant le trottoir de la contre-allée. Brunachon interrogea d'un coup d'œil le clubman, qui répondit par un signe affirmatif, et sans attendre un ordre plus formel, Brunachon sauta dans la première. Le sort en était jeté. Servon monta dans la seconde, qui n'était pas loin, et dit à son cocher de suivre. Brunachon avait rapidement donné ses instructions au sien, qui mit son cheval au trot. Le vicomte avait plus qu'à se laisser aller au courant de cette curieuse aventure, et il commençait à y prendre un certain plaisir. L'attrait de l'inconnu, il lui était arrivé assez souvent de suivre une jolie femme sans savoir où elle le conduirait. C'est un sport amusant pour un désœuvré qui se console facilement d'être distancé en route. Cette fois, il était sûr que pareil déconvenu ne lui arriverait pas. Et l'intérêt était plus vif, car il ne pouvait pas deviner le dénouement. Brunachon avait refusé de dire où il allait, et s'il s'était abstenu de donner la moindre indication sur la direction qu'il comptait faire prendre à sa Victoria. Elle descendait l'avenue des Champs-Élysées, et cela prouvait seulement que Brunachon ne se dirigeait pas vers les excentriques et élégants quartiers de l'Ouest, Passy, l'Étoile, le Faubourg Saint-Honoré. Brunachon se dirigeait vers le Paris central. En débouchant sur la place de la Concorde, la Victoria qui le portait obliqua à droite et enfila le pont. Servan était fixé, on allait sur la rive gauche. Et une idée lui vint tout naturellement. Brunachon lui avait appris que l'amant de la marquise habitait le quartier latin. Servan ne douta pas que Brunachon ne le conduisît chez cet étudiant, auquel il se proposait de faire subir un interrogatoire en présence du vicomte, qui n'y tenait pas du tout, car il n'aurait rien gagné à mettre Paul Cormier au pied du mur. Ce garçon, s'il fallait en croire Brunachon, demeurait rue Gay-Lussac. Le vicomte se promit de laisser Brunachon monter tout seul chez le faux marquis, si la Victoria s'arrêtait à la porte du numéro 9. Pour le moment, elle suivait le quai d'Orsay, et c'était à peu près le chemin de la rue Gay-Lussac. Après le quai d'Orsay, elle prit le quai Voltaire, mais au lieu de tourner par la rue des Saints-Pères, pour arriver presque directement au Luxembourg, elle continua par le quai Malaquais, et par le quai Conti, en passant devant l'Institut et devant la Monnaie. Puis, laissant le pont Neuf à gauche, elle se lança sur la pente du quai des Augustins. « Bon, se dit Servon, toujours imbu de l'idée qu'on allait chez Cormier, il va prendre le boulevard Saint-Michel. Ce cocher n'a pas le sentiment de la ligne droite, mais c'est le chemin tout de même. Je me laisse faire. Seulement je lâcherai ce drôle à la porte. Il faut en vérité qu'il soit stupide, pour s'imaginer que je vais me présenter avec lui chez ce jeune homme. » La résolution était louable, mais le vicomte n'eut pas besoin d'y persévérer. Arrivé à la place Saint-Michel, au lieu de remonter le boulevard, la voiture qui portait Brunachon s'engagea sur le pont qui aboutit dans la cité. « C'est inouï, grommela Servon, le voilà qui revient sur ses pas à présent. Ce n'était pas la peine de passer la Seine au pont de la Concorde pour la repasser 10 minutes après. Où diable me mène ce Brunachon ? Est-ce qu'il se moque de moi et a-t-il le projet de me traîner à sa suite à travers tout Paris ? Non, il n'oserait pas. Mais où allons-nous ? Cette rue qui traverse l'île, c'est le boulevard du Palais. Et voici le Palais lui-même. J'aime à croire qu'il n'a pas l'intention d'y entrer pour avertir la justice. Le vicomte n'avait assurément rien à démêler avec la justice de son pays. Mais s'il avait su que le nommé Brunachon avait passé tout l'après-midi, la veille, dans le cabinet d'un juge d'instruction, il se serait arrêté plus longtemps à l'idée singulière qui lui était venue. Du reste, il n'y avait pas lieu, car la Victoria tourna vivement à droite pour traverser le parvis Notre-Dame. Cela devenait incompréhensible, et l'aventure tournait presque au comique. Il n'y a sur le parvis que Notre-Dame et l'Hôtel-Dieu, une église et un hôpital. On ne pouvait pas supposer que Brunachon allait visiter un malade, ou allumer un cierge devant l'hôtel de la Vierge. Où allait s'arrêter cette promenade ? Le vicomte ne cessait de se le demander, mais il ne songeait plus à abandonner la partie, car il supposait qu'on approchait du but. Le parvis ne mène à rien qu'à l'île Saint-Louis, et Servon ne se figurait pas que son étrange guide pût aller dans ce paisible quartier chercher des renseignements sur l'excentrique marquis de Ganges. Brunachon avait pourtant l'air de savoir parfaitement ce qu'il faisait. Depuis qu'on roulait, il s'était retourné plus d'une fois pour s'assurer que la voiture du vicomte suivait, et la dernière fois, en arrivant sur la place Notre-Dame, il avait adressé de loin au persévérant clubman un signe qui signifiait sans doute « Ne vous impatientez pas, nous y sommes ». Et Servon, quoique vexé d'être véhiculé de la sorte, lui savait gré d'observer les conventions en s'abstenant de communiquer avec lui autrement que par geste. Mais il ne devinait toujours pas où on allait. La Victoria de Brunachon s'engagea dans une rue sombre que domine à droite la masse colossale de la cathédrale, la rue du Cloître, qui n'est ni large ni longue, et où, de sa vie, le vicomte avait passé. Il ne cherchait plus à se rendre compte des chemins qu'on lui faisait prendre, et il lui arrivait de se demander ce que les deux cochers devaient penser de cette course à la queue leu-leu de deux messieurs qui se connaissaient, évidemment, et qui avaient éprouvé le besoin de prendre deux voitures au lieu d'une seule. Au bout de la rue du Cloître, celle qui marchait en tête s'arrêta, et M. de Servon dit aussitôt à son cocher d'en faire autant. Brunachon descendit, et M. de Servon s'empressa de descendre aussi. C'était le moment décisif. Brunachon allait-il aborder le vicomte et lui expliquer pourquoi il l'avait amené là? Pas du tout. Brunachon, fidèle à sa promesse, se contenta de lui montrer du doigt la grille le long de laquelle les deux Victorias étaient rangées, à 10 pas d'intervalle. Cette grille entourait une manière de square plantée d'arbres rabougris et garnie de bancs vermoulus, un square pauvre, où jouaient des enfants malingres et où de vieilles loqueteuses se chauffaient au soleil. C'était bien là l'endroit désigné par Brunachon, qui avait engagé le vicomte à l'y attendre, pendant qu'il irait, lui, se renseigner sur la vraie situation de Madame de Ganges. Se renseigner où et près de qui? Il ne l'avait pas dit, et Servon, qui n'en avait pas la plus légère idée, le vit entrer avec d'autres personnes dans un bâtiment adossé au parapet du quai, à la pointe de la cité, et d'assez triste apparence. Cela ressemblait à l'une de ces constructions qu'on voit de distance en distance sur les bords de la Seine, depuis le pont de Bercy jusqu'au viaduc d'Auteuil, et où sont les bureaux des employés de la navigation. Servon ne s'inquiéta point de savoir ce que c'était, et ne fut pas tenté d'y entrer à la suite de Brunachon. Servon appartenait à cette catégorie de Parisiens qui ne connaissent de Paris que les quartiers habités par les heureux de ce monde. Il pouvait se vanter de n'avoir jamais mis les pieds dans les parages où logent les déshérités, car il ne les avait traversés qu'en voiture, en se rendant à quelques gares de chemin de fer. Il n'était pas entré au Jardin des Plantes depuis son enfance, et s'il avait aperçu les tours de Notre-Dame, c'était de loin, et pour ainsi dire malgré lui, car il ne s'était jamais arrêté pour les admirer. Il savait donc à peine où il était, et il n'avait pas, comme les étrangers qui visitent pour la première fois la grande ville, un guide du voyageur dans sa poche, à seule fin de ne pas s'égarer et de se renseigner sur la destination des monuments. Peu lui importait d'ailleurs, pourvu que Brunachon revint promptement mettre fin à ses incertitudes. Il entra dans le square, et n'ayant garde de s'asseoir sur des sièges publics d'une solidité et d'une propreté douteuses, il se mit à se promener par les allées, après avoir allumé un cigare. Il remarqua bientôt que beaucoup de gens qui passaient sur le quai se détournaient de leur chemin pour entrer, comme Brunachon, dans le petit édifice long et bas qui faisait face à l'entrée du square. D'autres en sortaient, c'était un va-et-vient continuel. De cette affluence, le vicomte conclut judicieusement qu'il y avait là-dedans une succursale du Mont-de-Piété, et se demanda de rechef ce que l'ancien garçon de jeu était allé chercher là. Il commençait d'ailleurs à en avoir assez de cette énigmatique expédition, et il se promettait de planter là Brunachon, pour peu qu'il tardât à reparaître. Il se trouvait même un peu ridicule de s'être laissé embarquer par ce drôle dans cette campagne policière, et il jurait bien qu'on ne l'y reprendrait plus, quel qu'en fût le résultat. Il n'attendit pas trop longtemps. Au bout de 10 minutes, il vit Brunachon descendre les marches qui précèdent la maisonnette, où il était entré et impatient de l'interroger. Il fit quelques pas pour se porter à sa rencontre, mais il se ravisa en voyant Brunachon lui indiquer d'un signe de tête le fond du square, où il n'y avait absolument personne, et où il pourrait causer sans attirer l'attention. Brunachon donnait au vicomte une leçon de prudence, et le vicomte s'y conforma. Il lui sut même gré de sa discrétion, car l'affaire semblait se corser, et M. de Servon tenait de plus en plus à ne pas être vu conférant avec ce suspect personnage. Brunachon passa, sans lui dire un seul mot, tout près du clubman qu'il avait promptement rattrapé, et alla s'embusquer dans un coin du terrain qui s'étend au-delà du square, entre les hauts contreforts de Notre-Dame et le parapet du quai de l'Archevêché. Servon vint l'y rejoindre, un peu étonné de le voir prendre tant de précautions, et l'interrogea des yeux. « Monsieur le vicomte avait deviné, lui dit Brenachon. Moi, je n'y voulais pas croire. »« Croire à quoi ? Expliquez-vous, clairement, sacrebleu. »« Madame la marquise de Gange est veuve. »« Veuve ? S'écria le vicomte. Qu'en savez-vous ? » ?»« Je viens de m'en assurer, répondit tranquillement Brenachon. Comment ? Est-ce à dire que vous venez de voir l'acte de décès de son mari ? C'est donc une mairie, ce vilain petit monument ? Non, ce n'est pas une mairie, dit l'ancien garçon, avec un sourire qui ressemblait à une grimace. Alors, qu'est-ce que c'est ? Monsieur le vicomte plaisante, monsieur le vicomte n'ignore pas. Je vous dis que je n'en sais rien. C'est la première fois de ma vie que je viens ici. Et si vous croyez que je me suis amusé à interroger les gens déguenillés que j'ai vus dans le square ? Oh, je pense bien que non, mais je croyais... Enfin, je n'ai plus qu'une prière à adresser à monsieur le vicomte. S'il s'agit de rouler encore à travers Paris, je vous préviens que je n'en suis plus. Non, non, j'attendrai ici. Et monsieur le vicomte n'a qu'à rentrer. Où ça ? Dans le bâtiment d'où je sors. Monsieur le vicomte verra par lui-même, et après, si monsieur le vicomte veut bien venir me rejoindre, je lui expliquerai ce qu'il n'aura pas compris. Soit, dit Servon, agacé, j'y vais. Mais je vous préviens que si je m'aperçois que vous vous êtes moqué de moi, vous vous en repentirez. Et pendant que Brunachon protestait contre cette supposition, le vicomte traversa le square presque en courant, et monta vivement les marches qui précédaient une espèce de péristyle, au-delà duquel s'étendait, comme un paravent, un mur qui masquait l'intérieur de l'édifice. Pour entrer, il fallait tourner par la droite ou par la gauche, ce mur ouvert aux deux bouts. Ainsi fit-il, et il se trouva dans une vaste salle carrée, dont les parois en stuc poli étaient couvertes de longues inscriptions, qu'il ne prit pas la peine de lire. Éclairé par en haut, ce hall ressemblait vaguement au vestibule d'un musée. Le vicomte continuait à ne pas comprendre. Il remarqua pourtant que les gens qui entraient se dirigeaient tous vers un vitrage qui barrait le fond de la salle et défilaient devant cette clôture en verre, comme on passe devant les étalages d'un bazar. Ils ne s'arrêtaient qu'au bout. Mais là, un groupe s'était formé et deux sergents de ville de service veillaient à ce que les curieux ne stationnassent pas trop longtemps. « Circulez, messieurs, circulez !» Cet avertissement, souvent répété, accélérait le défilé. Dans ce coin, évidemment, se trouvait ce que les Anglais appellent « the great attraction ». Mais du diable si Servon devinait ce qu'on montrait là, qui put intéresser cette foule empressée. Afin de savoir, il se mit à la queue comme les autres, et en s'approchant, il vit derrière la vitrine une double rangée de tables de marbre, dont deux étaient occupées par deux cadavres de noyés, vert, bleu, violet, hideux. Cette fois, Servon fut fixé sur la destination de l'édifice. « Ce drôle m'a amené à la morgue, dit-il entre ses dents. Il m'a fait une farce funèbre, mais il me le paiera. » Il allait battre en retraite, car il n'avait aucun goût pour les spectacles lugubres. Mais il se ravisa. « Non, reprit-il en se parlant à lui-même, il n'aurait pas osé me berner de la sorte. En me poussant à entrer, il a eu un but. Lequel ? Est-ce que le marquis de Gange ? Mais oui, c'est cela. Cet homme vient de le reconnaître, couché sur une dédale noire. Je serais bien empêché de le reconnaître, moi qui ne l'ai jamais vu vivant. Et alors même que je l'aurais vu, je ne le reconnaîtrais pas davantage. » S'il est dans le même état que ces deux corps, qui n'ont plus figure humaine. Servon s'aperçut bientôt qu'il y en avait un troisième, celui qui attirait le public, celui qui faisait recette, comme disent les habitués de l'établissement. Il suivit le mouvement, et il vit que ce mort était beaucoup mieux conservé que les deux noyés. Il était exposé au premier rang, tout près du vitrage, et on ne l'avait pas déshabillé. Il était vêtu d'un pantalon de fantaisie et d'une chemise fine, avec au poignet des boutons de manchette en or. On avait enlevé la cravate et ouvert la chemise, afin qu'on pût voir à nu la poitrine trouée au-dessous du sein droit. Il avait dû mourir très vite et sans souffrir, car la figure était calme. On aurait dit qu'il dormait. Celui-là certainement n'appartenait pas à la même catégorie sociale que les malheureux qui figurent ordinairement à la morgue. Et autour du vicomte, tout étonné, les commentaires pleuvaient. En voilà un qui ne s'est pas suriné l'estomac, parce qu'il n'avait plus de quoi béquiller. Non, c'est un rupin. Il n'aurait eu qu'à porter ses boutons chez ma tante. On lui aurait prêté dessus au moins 30 balles, à moins qu'il ne soit en toc. Pas de danger, c'est un zig de la haute que je te dis. Et c'est pas lui qu'il s'est suriné, c'est des escarpes, là-bas, du côté de la porte de Montrouge. Circulez, messieurs, circulez, cria un des sergents de ville. Le vicomte, qui en avait assez vu, circula, mais il ne se pressa pas trop de sortir. Il était fixé maintenant. Ce mort, c'était le marquis de Gange, que Brunachon avait cru reconnaître et si Brunachon ne s'était pas trompé, il était jusqu'à présent le seul qui l'eût reconnu, puisque le corps restait exposé. Les morts reconnus sont enlevés immédiatement. À Paris, chacun sait cela, et Servan l'avait entendu dire, comme tout le monde. Comment ce mari de la marquise, le vrai, était-il venu se faire assassiner à Paris en arrivant de Monte-Carlo, s'il fallait en croire l'ancien garçon de jeu qui disait l'y avoir vu? Servan ne le devinait pas, et ce n'était pas ce côté de la question qui le préoccupait le plus. Pour le moment, il ne pouvait mieux faire que d'aller retrouver l'homme qui l'attendait et de lui demander des explications supplémentaires. Brunachon était à son poste, et il accueillit le clubman par un « Eh bien, monsieur le vicomte a vu !» qui poussa Servan à répondre. « J'ai vu un homme qui a été tué d'un coup de couteau dans la poitrine, oui. Alors vous prétendez que cet homme est monsieur de Ganges ?»« Je l'affirme, parce que j'en suis sûr. Et s'il y avait ici n'importe quel croupier de Monte-Carlo, il le reconnaîtrait, car il n'est pas changé du tout. Il a sa figure de là-bas, quand il fermait les yeux, pendant que la bille tournait dans le cylindre. On dirait qu'il va les rouvrir pour dire « moitié à la masse ». Pauvre marquis, il était beau joueur tout de même, et il ne regardait pas à l'argent quand il gagnait, et pas fier avec ça. « Il m'a plus d'une fois donné un louis quand j'étais à la côte », conclut Brunachon en guise d'oraison funèbre. « Si vous êtes sûr que c'est lui, pourquoi n'êtes-vous pas entré avec moi à la morgue ?» demanda M. de Servan, pour mettre fin à des discours qui l'ennuyaient. « Mais parce que j'en sortais, » répondit Brunachon. « Si j'étais rentré immédiatement, on m'aurait remarqué, et on m'aurait peut-être filé. C'est plein d'agents de police là-dedans. » Ils remarquent les figures, et je ne tenais pas à leur montrer la mienne, deux fois en 10 minutes. L'explication parut singulière au vicomte, qui ne savait pas que l'ancien garçon de jeu avait eu et aurait probablement affaire encore au juge d'instruction à propos de la mort tragique du marquis de Ganges. Mais il ne perdit pas son temps à demander des éclaircissements. « Puisque vous l'avez reconnu, dit-il sèchement, il faut faire votre déclaration à la police. Je préférerais que monsieur le vicomte s'en chargeât. « Moi, êtes-vous fou ? Comment pourrais-je dire que je le reconnais ? C'est la première fois que je le vois. Oh, je comprends que monsieur le vicomte ne veuille pas se mêler d'une histoire où la justice a mis le nez. On croit donc à un crime ? Et on a raison d'y croire. Ce pauvre marquis a été trouvé mort sur le talus des fortifications. Il a dû être tué le jour de son arrivée à Paris. L'instruction est ouverte. Seulement le juge ne sait pas encore son nom. Il paraît qu'il n'avait pas de papier sur lui. Et comme il n'habitait plus la France depuis des années, ceux qui l'y ont connu autrefois l'ont oublié. Raison de plus pour que vous avertissiez la police. C'est l'avis de monsieur le vicomte ? Sans doute. Pourquoi cette question ? Parce que, il me semblait, je me figurais que monsieur le vicomte préférerait commencer par se renseigner sur ce jeune homme que j'ai vu avec lui aux Champs-Élysées, et qui a pris le nom et le titre du marquis de Ganges. Servan ne répondit pas, mais l'objection le frappa. Si j'allais dire à la police tout ce que je sais, je pourrais, sans le vouloir, compromettre des personnes honorables, continua Brunachon, et les pauvres diables comme moi doivent y regarder à deux fois, avant de se mêler de ce qui ne les regarde pas. C'est pourquoi j'aime mieux me taire. Ça ne veut pas dire que je ne reste pas à la disposition de monsieur le vicomte. Tout ce qu'il me commandera de faire, je le ferai. Je n'ai pas d'ordre à vous donner, répliqua dédaigneusement Servan. Mais monsieur le vicomte peut avoir besoin de renseignements sur n'importe quoi ou n'importe qui. Plus tard, comme maintenant, monsieur le vicomte me trouvera toujours prêt à le servir. Servan commençait à se dire que le cas pourrait bien se présenter, avant peu, car il n'en avait pas fini avec l'étrange aventure, où le hasard l'avait jeté. « C'est bien, dit-il, je verrai. Où demeurez-vous » « Pour le moment, je ne demeure nulle part, répondit modestement Brunachon, et quand j'aurai un domicile, ce qui ne tardera pas, il serait peu convenable que monsieur le vicomte se dérangeât. Je pourrais vous écrire. Si monsieur le vicomte le permet, je lui écrirai d'abord, pour lui donner mon adresse. J'adresserai ma lettre au cercle, et d'ailleurs, à partir de demain, je passerai tous les jours sur le boulevard vers 5 heures, comme aujourd'hui. Monsieur le vicomte, s'il désire me parler, n'aura qu'à me faire signe. J'irai l'attendre derrière la Madeleine. » Tout cela était clair, précis et bien combiné. On pouvait mépriser Brunachon, mais on ne pouvait pas lui contester le mérite d'être un agent plein de ressources et de zèle. Il ajouta « Maintenant, je vais quitter monsieur le vicomte. J'espère qu'il voudra bien m'excuser de l'avoir amené ici. Je tenais à lui prouver que cet étudiant n'était pas le marquis de Ganges, et pour cela, je devais m'assurer que le véritable marquis était mort. « Vous saviez donc que son corps était à la morgue ?» demanda brusquement le vicomte. « Non, répondit Brunachon, avec un peu d'embarras, mais je m'en suis douté, quand j'ai lu ce matin dans les journaux qu'on avait ramassé, près de la porte de Montrouge, le cadavre d'un monsieur bien habillé. L'idée m'est venue, je ne sais comment, que c'était le cadavre de M. de Ganges. Une vraie inspiration, cette idée-là, puisque maintenant je suis sûr que c'est lui qu'on a tué. On n'a qu'à faire venir des témoins de Monte-Carlo. On pourra dresser l'acte de décès, sa veuve ne serait peut-être pas fâchée qu'on le dressât. Et comme M. de Servan se taisait, peut-être aussi aime-t-elle autant que les choses restent comme elles sont, reprit Brunachon, en le regardant fixement. C'est une question que je ne suis pas en mesure de décider, et alors je m'applique le proverbe « dans le doute, abstiens-toi ». Ces réflexions à haute voix agacèrent Servon, précisément parce qu'elles étaient assez justes, et pour y couper court, il tira de son portefeuille 2 billets de 100 francs qu'il remit à Brunachon en lui disant « Prenez ceci pour payer le cocher qui vous a amené ».« Pas celui qui a amené, monsieur le vicomte ?» demanda l'impudent coquin en empochant la gratification, comme il empochait jadis au cercle des moucherons les pourboires des joueurs. « Non, je garde la voiture. Maintenant partez. Notre colloque en plein air a assez duré. » Brunachon ne se le fit pas dire deux fois. Il fila sans ajouter un mot. Qu'aurait-il ajouté? Son travail était fait. Il avait semé dans l'esprit du vicomte des idées qui ne manqueraient pas de germer et dont il espérait bien tirer quelque profit. Il ne s'était pas compromis et il restait libre de faire chanter ou Paul Cormier ou la marquise de Ganges ou même M. de Servan, à son choix. Cela dépendrait de la tournure que prendrait l'instruction confiée à Charles Bardin. M. de Servan était beaucoup moins satisfait de son expédition et il regrettait de s'y être engagé. Tant qu'il s'était agi de s'introduire chez la marquise, il aurait tout fait pour forcer son intimité. Eût-il du même abusé un peu de la situation? Mais il entrevoyait maintenant que derrière cette situation, il y avait un drame, et même un drame assez corsé, puisqu'il venait de se dénouer, ou de s'engager par un meurtre. Et dans la vie que menait Servan, il n'y avait pas de place pour les drames.